Sibir dinki fek, inshallah ci bagage dinki fek 12 draps. Draps yoy sama rak soxna. Soxnam lako moko wara jël, mais quand même tamit la bas nga xam prix yi nga xam mom moy drab bashairi bi tuddu bashair bobu nonu set la bobu après ñi mi ngi diké 15000 yi nga xamanteni mom moy tuddu rihana wa abr al ward abi ubair al ward wala hakaza ma adri ma za katabtuhna yani ñaar façon yoy ben bu ci nek mi ngi diké après ay 13000 mais inshallah bu fekkenté ni bagage yek ci na après sama rak soxna mi peut-être mom mo koy jël ci fofu non inshallah dark classi su fekkenté ni yani yow soxlo wo ci dara yu mel non masalan comme ay échantillon yu démé non mom dina jël yépp barakallahu fi.